Sky, RODS Kunk, Quartier Rouge. Quartier Rouge, Quartier Rouge, Lyrical Dynam, Kilo de Skunk, Case Sky, yeah. Romeo, Echo, Delta, sur un kilo de Skunk, face à moi, acteur Dracula que je dois rendre junk. Dans mon stylo, funk rap pour les pelots junk. Pour dire nique le reste, pas besoin d'un punk. Mon style est né sur la dalle, où le tour pousse et les jours passent et l'espérance de vie baisse. Laisse, j'entends les frères et rien que ça se baisse. Comme partout sur terre, dans les cas où y'a le moins de baisse. Je m'en bats les couilles des gros calés, baise avec nos palabres. J'espère que ça tourne chez les frères palés. Le flow qui fait mal au crâne comme si je m'appelais Aya. Renoir, la seule chose que je fous, c'est le fire. Quartier rouge, l'Erika, Dynam, vis à Paris, le sur extase, c'est laid comme des varices. Type en route, conso sur Paris, c'est pourri. À chaque centime, faut se parer en Marie Curie. J'suis pas écœuré, la capitale, c'est le capitalisme. Le zé, c'est vital, si on y a pas très fatal. À tout pas qu'on vient là, ton secours, espèce de suceur star. Je s'en fout même quand on sort vos scars. Dans ce monde flingué, j'ai t'allongé pour sauver. Et dire que t'as pas toujours été un chat avant de crever. J'suis safran, kick et mon rap, Stéphane. Écoute, mini, comics, c'est mec, on sera souvent. Mais où, écoute, d'état, c'est Rakino Sky. Tu seras plus foncé pendant que tu fais un rail. Tu me fais rire avec tes rimes puériles, stériles. Cesse de donner des fausses airs viriles. Le rap c'est un foutoir. Et moi j'ai même signé toi. Venu pour travestir tes rimes, les faire taffer sur le trottoir. Je fais des trucs de fouf alors protège ta copine. Tu veux savoir mon place, ben vas-y rentre au bureau. L'alcool, il faut qu'il prend part derrière comme si je m'appelais Sodomie. Métaphore, brute sans élégance, tu reviens Théomie. Qui je représente ma bite, ça t'embête, tu sais trop. J'ai appelé les titos, ça va trop vite. J'suis le liquide rouge qui fonce des rap parfaits. J'ose me permettre de venir demander des pépettes. J'suis matérialiste, mais qui n'est pas, c'est une femme. C'est tout ça, et j'dis un pour les chats. 2 pour mon rap shoot, 9-4 puissance maximum. Nique ton rap groupe, rien que c'est pas avec l'âge track, pas de blague. Y'a trop de cadavres dans les petits squats du bloc. Y'a les récadines à mon short, faut que t'as wesh, ici trop. Astique, mon stick, mon porte-bonheur, c'est le RAP gros. Fais pas le caqué et te fais pas prier pour raquer. J'dis 1 pour le shit, 2 pour la rim shot. 9-4 degrés Celsius, température trône. Ce qui paraît, j'suis l'alcool à éviter. Le lascar qui squatte, des tablés pour inviter. Pour le chercher gratuitement de la pub. C'est aussi agréable que si tu me tailles et une pipe. Mon porte-bonheur, c'est le trèfle à cette feuille. Ce que j'dis, ça te fait triper alors c'est toi qui porte l'œil. J'dis 1 pour le shit, 2 pour la rim shot. 9-4 degrés Celsius, température trône. J'dis 1 pour le chat. 2 pour mon rap shoot, 9-4 puissance maximum. Nique ton rap gros. 1 pour le shit et 2 pour la rim shot. 9-4 degrés Celsius, température trop haute. J'ai 1 pour les chats et 2 pour mon rap shoot. 9-4 puissance maximum, nique ton rap groupe.